Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, on pousse les portes du château du Clos-Lucé à Amboise, lieu emblématique où vécut Léonard de Vinci, pour parler des temps forts de la saison estivale. On commence notamment par les 11, 12 et 13 juillet, où le Clos-Lucé accueille la Joconde parle enfin, une pièce signée Laurent Ruquier, mise en scène par Rodolphe Sand et portée avec panache par Carina Marimont. Un seul en scène aussi drôle qu'instructif, où Mona Lisa se libère enfin de son célèbre silence pour nous livrer ses secrets. Un événement qui, devant son succès à présent complet, mais rassurez-vous, il y aura beaucoup d'autres rendez-vous qui vont jalonner l'été. Pour en parler, nous nous retrouvons avec Diane Junka, responsable communication du château. Bonjour Diane. Bonjour Marlène. Alors, avant de vraiment parler de cette programmation estivale, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous êtes ici au Clos-Lucé et un petit peu quelques mots sur votre parcours ? Eh bien, moi, ça fait 5 ans que je dirige donc la communication et la programmation du Clos-Lucé. Et en fait, je suis historienne de l'art. J'ai commencé d'abord à travailler comme journaliste pour Arte, le journal d'Arte, où je faisais des sujets culture. Et puis, j'ai aussi écrit en presse écrite pour des magazines comme Beaux-Arts Magazine, comme Ulysse, comme Art Actuel. J'ai aussi travaillé dans l'édition sur des beaux livres, donc beaucoup de livres, soit des essais sur des artistes ou bien des catalogues d'exposition chez Gallimard, La Martinière, Flammarion, qui sont donc des maisons d'édition avec de très beaux services spécialisés dans les livres illustrés. J'ai ensuite œuvré dans la communication comme responsable de la presse à l'Office national allemand du tourisme, ce qui m'a permis de rencontrer les rédacteurs en chef des rubriques art et tourisme des plus grands médias français et de les embarquer tous avec moi en Allemagne, couvrir la Documenta, aller dans les stations balnéaires de Guillaume II. Enfin bon, c'était merveilleux. Et puis j'ai enchaîné après en travaillant comme chargée de communication dans une agence de relations presse qui s'appelle l'agence Claudine Collin. Et je me suis occupée du Louvre-Lens, du Centre Pompidou-Metz, de la FIAC, de Paris Photo. Et j'ai terminé au Centre Pompidou-Metz comme directrice donc, de la communication et du mécénat. Et c'était absolument magnifique de travailler sur des expositions de découvertes très pointues, sur Oskar Schlemmer, un artiste du Bauhaus, ou bien sur la scène contemporaine japonaise. Et puis depuis septembre 2020, eh bien, j'ai la grande joie de travailler au Clos-Lucé. Et donc, ce qui me prend le plus de temps, c'est la programmation des expositions et puis des événements. Mais en ça, je suis très aidée par une équipe de choc, Sandra Chupin et Nina Germain. Et donc, je m'occupe aussi de communication, digitale, relations presse et à peu près. Un travail très polyvalent puisqu'on voit Diane jongler sur plein de tâches différentes. Alors, vous avez un souhait, c'est vraiment de proposer toujours le meilleur au public. Alors justement, comment ça se construit une programmation quand on veut être dans une qualité parfaite ? Eh bien, on essaye de programmer déjà des artistes qui ont un lien, en fait, avec l'ADN du Clos-Lucé. Et là, évidemment, pour la pièce de Laurent Ruquier, quand on a découvert que Laurent avait une passion pour la Joconde, qu'il avait porté son sujet pendant plus de 10 ans, et puis qu'on a eu la chance aussi de lire le scénario et puis d'aller voir la pièce quand elle a été jouée pour la première fois au Théâtre des Champs-Élysées, eh bien on s'est dit, en effet, c'est le genre de pièce qu'il nous faut pour le Clos-Lucé. Puisque tout le monde ne le sait pas, mais la Joconde a été au clos de 1516 à très probablement 1518. Donc on sait que Léonard de Vinci est venu avec les tableaux qui se trouvent aujourd'hui au Louvre. Donc il est venu avec ici donc à Amboise. Et puis de son vivant, on sait aussi qu'il les a légués à Salaï, qui était son disciple. Et probablement aussi plus que son disciple. et que Salaï les aurait vendus encore du vivant de Léonard à François Ier. Et ça, on le sait, puisque une historienne de l'art, qui est une experte de Léonard de Vinci, Laure Fayard, a fait ces découvertes-là il y a quelques années. Donc pour moi, pour nous, pour la famille Saint-Brice et le Clos Lucé, ça faisait vraiment sens que cette pièce soit présentée sur le parvis devant le château, puisque la Joconde devait probablement être dans une des salles. On est persuadé que la pièce va vibrer particulièrement sur notre site. Et je sais d'ailleurs que Laurent Ruquier a fait quelques petites modifications pour tenir compte du fait que la pièce se joue chez nous, au Clos Lucé. Je peux aussi vous parler un petit peu donc, de la comédienne Carina Marimon, qui est assez exceptionnelle dans ce seul en scène, je dois l'avouer. Donc elle est connue parce qu'elle a joué à la télévision dans La Petite Histoire de France et au cinéma dans Guillaume et les garçons à table ou La Belle Équipe. Et donc elle est extrêmement vivante et charismatique. Et alors elle est très drôle puisqu'elle embarque le public avec elle dans son histoire et elle sort littéralement du cadre. Et donc on la voit dans un moment comique avec ses jarretières puisque donc elle sort du cadre. Donc en haut, donc dans le cadre, elle avait la tenue que l'on voit dans le tableau. Mais en dessous, elle est en jarretière. Et donc, elle sort du cadre et elle se met à alpaguer le public et à parler sans filtre comme une femme extrêmement libre, post-MeToo, un peu dévergondée, avec la faconde, l'humour et la langue de Laurent Ruquier. Donc, c'est vraiment 1h20, 1h30 de rire ininterrompu, pendant lesquels on apprend quand même beaucoup de choses sur l'histoire de la Joconde. Toutes les interrogations, en fait, autour de son identité. Qui était-elle véritablement? Est-ce que c'était Lisa Gherardini, l'épouse de Francesco del Giocondo? Ou bien est-ce que c'était Isabelle d'Aragon, la maîtresse du commanditaire du tableau et mécène de Léonard Laurent de Médicis? Ou est-ce que c'était Catarina, la mère de Léonard? On apprend plein de choses aussi sur Léonard, à savoir qu'il était végétarien, donc qu'il écrivait de droite à gauche, qu'il disséquait les corps humains et qu'il adorait ça, qu'il a inventé la technique du sfumato pour peindre ses chefs-d'œuvre. Et puis on apprend aussi l'histoire donc, du rachat du tableau, son arrivée au Louvre, son vol en 1911. Donc c'est très didactique, très riche. Voilà, vraiment, on peut dire que Laurent Ruquier a fait un travail de spécialiste tout à fait remarquable. On imagine le travail que ça représente pour vous, parce que Léonard de Vinci, évidemment, il inspire des tas d'artistes. Et j'imagine que vous devez avoir beaucoup de propositions de personnes qui ont mis en scène ou qui ont des propositions artistiques autour de Léonard de Vinci à vous proposer, ce qui nécessite, j'imagine, une fine sélection. Oui, bon, c'est vrai qu'on a très souvent des propositions, voilà, quasiment de manière hebdomadaire, parce que Dieu sait s'il y a beaucoup de passionnés de Léonard de Vinci, mais tous les projets ne se valent pas et on souhaite vraiment donner le meilleur à nos spectateurs. Et donc, en fait, on est extrêmement vigilant, exigeant et très sélectif, et moi je me déplace extrêmement souvent, sauf quand il s'agit de création in situ pour le Clos Lucé, mais je me déplace en permanence. En fait, je passe mes semaines au théâtre, au spectacle. J'essaye vraiment de me tenir informée le plus possible de tous ces projets, donc en fait c'est très passionnant, mais on a en effet des choix constants à faire, mais c'est très plaisant. Alors ce spectacle, qui est complet, on le rappelle, hein, victime de son fort succès, il s'inscrit dans une volonté plus large du Clos Lucé de proposer des événements culturels vivants. Il y a une très belle programmation qui attend le public, alors à la fois le public qui est touristique, vacancier, mais également le public local. Et c'est important de pouvoir également investir le Clos Lucé lorsqu'on est d'Amboise ou bien du Val d'Amboise ou bien pour nos amis montlouisiens et de Touraine-Est-Valais qui nous écoutent également. Est-ce que vous pouvez nous parler des grands rendez-vous de l'été ? On sait qu'il y a des flâneries nocturnes, on sait qu'il y a un festival européen de musique renaissance, une expo, tout plein de choses. Oui, alors je vais vous parler donc de nos flâneries nocturnes qui auront lieu donc les 15 et 16 août 2025 de 20h30 à 23h. Et vous pouvez déjà vous rendre sur notre billetterie en ligne et prendre donc des billets, puisque voilà, le Clos Lucé accueille une compagnie vraiment de renommée internationale, la compagnie Marie Chouinard, qui nous vient du Québec. Marie Chouinard, donc, c'est une danseuse, une chorégraphe, c'est aussi une artiste qui a de multiples facettes, aussi photographe, réalisatrice, scénographe, enfin une femme très léonardienne dans sa manière d'appréhender le monde, le réel. Et elle vient avec une douzaine de danseurs au Clos Lucé pour interpréter dans le parc, à la tombée de la nuit, le Sacre du Printemps. Donc ça va être une œuvre absolument sublime qui va se jouer, se danser sous les platanes sur la partition mythique de Stravinsky, chorégraphiée par Nijinsky. Et les danseurs sont quasi nus et sont dans une transe absolument sublime. Ils ont des mains crochues, les pieds aussi, et ils adoptent des postures courbées ou cambrées, ils font des sauts frénétiques. Là, vraiment, c'est la quintessence, en fait, de ce qu'il y a de plus magnifique en danse contemporaine. Et j'avoue que même pour nous, au Clos Lucé, c'était une surprise immense quand Marie Chouinard nous a dit qu'elle acceptait avec joie de se produire au Clos Lucé. Donc vraiment, venez nombreux, puisque ça se passe en plein air, à la tombée de la nuit, et que le parc de 7 hectares peut vraiment contenir une foule importante. Donc vous, les Amboisiens, on compte beaucoup sur vous le 15 et le 16 août. Un rendez-vous important aussi qui aura lieu en septembre, c'est l'accueil d'un opéra. Ce que je vous propose, Diane, c'est qu'on en écoute un petit extrait et on se retrouve tout de suite après pour que vous nous disiez quelques mots là-dessus et puis également sur l'expo qu'on peut voir pendant tout l'été au Clos Lucé. C'était donc un extrait du couronnement de Poppée, un titre de Monteverdi, Purti Miro. Un titre que vous aurez le plaisir de découvrir lors de l'opéra des 20 et 21 septembre au Clos Lucé. Et puis il y aura un rendez-vous phare également la veille, et pas des moindres, un rendez-vous avec Jordi Savall, célèbre chef d'orchestre. Ce sera donc le 19 septembre, Diane. Exactement, nous allons avoir la joie de recevoir donc Jordi Savall, qui est un des plus grands chef d'orchestre au monde aujourd'hui et aussi donc un très très grand violiste, un joueur de viol de gambe. C'est une édition tout à fait particulière cette année puisque nous fêtons le 20e anniversaire du Festival européen de musique renaissance du Clos Lucé. Jordi Savall a déjà été invité par le Clos Lucé et la famille Saint-Brice a souhaité remettre à l'honneur pour ce 20e anniversaire ce maître incontesté de la viole de gambe, qui est aussi un artiste absolument merveilleux parce qu'il a une approche extrêmement transversale de la musique. Il s'intéresse à la musique médiévale, renaissance, romantique, et puis aussi à la musique de tous les continents, donc que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment une personnalité phare et avec de multiples facettes, comme Marie Spinard et comme Léonard de Vinci, si je puis me permettre. Et donc pour cette édition exceptionnelle, Jordi Savall, avec son ensemble Hespérion 21, consacrera un concert à l'art de la variation et de l'improvisation. Et donc il mêlera, comme il sait si bien le faire, des œuvres européennes et des musiques du Nouveau Monde. Donc voilà, qui traduisent tout cet entremêlement, toutes ces rencontres entre traditions locales et puis les influences venues d'Europe. Donc ça va être un moment extrêmement puissant. Donc ça, ce sera le premier soir du festival, donc le vendredi 19 septembre. Et je recommande aussi aux Amboisiens de ne pas tarder à prendre leur billet. Et le 20 et le 21 septembre, donc nous aurons pour la première fois au Clos Lucé un opéra, un des premiers opéras donc de Monteverdi. Le couronnement de Poppée, et ça va être quelque chose de complètement magique et hors norme pour le Clos Lucé. On n'a jamais eu la joie de recevoir un opéra. Il y aura une dizaine de musiciens avec les chanteurs, donc il y aura ce merveilleux duo entre Néron et Poppée. Et je pense que ça va être vraiment un moment qui va marquer par sa grâce l'histoire du Clos Lucé et tous nos spectateurs. Que de beaux rendez-vous, on retrouve bien cette volonté de proposer toujours le meilleur. On retrouve également jusqu'au 10 septembre la possibilité de venir visiter une exposition. Quelle est-elle ? Eh bien, cette exposition s'appelle « Le biomimétisme, s'inspirer du vivant de Léonard de Vinci à nos jours ». Donc le terme biomimétisme peut-être faire un petit peu peur. En fait, ce qu'on a essayé de montrer dans cette exposition, c'est comment Léonard de Vinci, mais aussi les inventeurs, les scientifiques, les artistes, qu'ils soient de l'époque de la Renaissance ou bien en fait d'aujourd'hui, se sont toujours, très souvent, en fait, inspirés pour innover de leurs observations de la nature. Ainsi, Léonard de Vinci a conçu son ornithoptère, donc l'ancêtre de l'avion, après avoir longuement observé le vol des oiseaux et le vol des chauves-souris, pour montrer à quel point, en fait, la nature est un peu le maître, le modèle, pour que ce soit les artistes ou que ce soit les inventeurs et que ce soit à l'Antiquité ou encore aujourd'hui. Donc on est extrêmement heureux et fiers de pouvoir présenter un dessin original de Léonard de Vinci qui présente donc une aile de chauve-souris et à côté la maquette de l'ornithoptère. Et en dessous, une maquette d'un avion. Donc, il montre vraiment l'évolution, mais que tout ça, toutes ces innovations technologiques, elles partent d'une observation du vivant. Ce dessin est un prêt exceptionnel, je tiens à le dire, de la Bibliothèque Ambroisienne, parce qu'obtenir un dessin, c'est très compliqué, puisque une fois que le dessin a été prêté pendant 90 jours, il doit ensuite être conservé à l'abri, dans l'obscurité, pendant 4 à 5 ans. Donc venez voir l'exposition rien que pour voir ce dessin. Et puis on a aussi des œuvres exceptionnelles de Jacques Rougerie, qui était donc l'assistant de Cocteau, qui est un passionné donc de la mer et qui est architecte. Et en fait, la plupart de ses architectures s'inspirent en fait du monde des créatures marines, du monde marin. Donc il construit essentiellement des bâtiments sur des littoraux, des ports ou bien des musées, et qui s'inspirent toujours de formes marines. Dans l'exposition, par exemple, on peut voir un bateau en forme d'hippocampe. Et en fait, le bateau est profond de 12 mètres, en fait, en profondeur, de manière à pouvoir étudier, en fait, le monde marin. Mmh. On voit aussi des œuvres de François de la Rosière, qui, comme Léonard, est un amoureux de la nature, et qui, là, donc il n'a pas pu nous présenter ces géants, ces machines géantes, mais donc dans l'exposition, on a des machines de moyenne taille, notamment donc l'araignée et le héron, donc qui sont des machines qui fonctionnent grâce à l'observation du vivant. On a également des pièces de Iris van Herpen, qui est une créatrice de mode qui a eu il y a 2 ans une exposition absolument magnifique au Musée des Arts Décoratifs à Paris, et qui a eu la générosité de nous prêter 2 robes absolument sublimes, dans lesquelles on voit un lien manifeste avec le monde des coraux, le monde marin. Et on a été aussi très heureux de pouvoir présenter une vidéo d'un défilé dans lequel on voit que la majorité en fait de ces pièces, de ces costumes, sont tirés de l'observation du vivant. Donc voilà, venez voir cette exposition, vous en apprendrez beaucoup, et puis vous verrez que par ce rapport à la nature et au vivant, elle délivre des messages qui résonnent très fort aujourd'hui, qu'on doit en fait collaborer avec la nature, l'observer, la respecter pour innover et cesser de vouloir être dans une attitude de domination. Voyez comme Diane Junca nous parle avec conviction et passion de cette exposition, mais le jour où vous viendrez la visiter, elle ne sera peut-être pas là pour vous expliquer tout ça. En revanche, des médiateurs ont été prévus pour justement accompagner les visites. Exactement, ça c'est une nouveauté dont je suis très fière, parce que j'ai souhaité que nous renforcions la médiation au Clos Lucé. Et nos médiateurs, donc il y en a 3 dans la halle où il y a l'exposition, ils sont à la disposition en fait du public pour répondre à toutes leurs questions sur les œuvres. Donc dès que vous les voyez, n'hésitez pas à aller vers eux, ils sont extrêmement heureux de vous délivrer toutes leurs connaissances sur toutes les pièces des expositions. Voilà, ils sont vraiment là pour vous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller vers eux, ils sont disponibles pour vous parler de chacune des œuvres, chacune des pièces, des robots présentés. C'est parfait. Merci beaucoup pour ce long moment que vous nous avez consacré. Diane, une dernière question toutefois. Est-ce que vous, en tant que responsable communication, vous avez un coup de cœur personnel sur cette saison estivale ? C'est une question extrêmement difficile, parce que vous savez, quand on passe des centaines, voire des milliers d'heures sur des projets, et puis qu'on a choisi, évidemment, on les aime tous, et c'est un petit peu comme des enfants que l'on porte. Moi, j'ai évidemment un énorme coup de cœur pour Marie Chouinard, le 15 et le 16 août, parce que voilà, c'est une danseuse hors norme et d'une modernité incroyable. Et puis évidemment pour Jordi Savall, dont chaque concert laisse une trace extrêmement puissante dans ma mémoire. Et puis avoir aussi cet opéra, là c'est vraiment une première au Clos Lucé. Et puis j'adore les pièces de Iris Van Herpen dans l'exposition sur le biomimétisme. Et puis évidemment, mon chouchou, c'est le dessin de Léonard. Donc beaucoup de coups de cœur finalement. Un grand merci Diane Junka pour votre accueil et vos éclairages passionnants. Pensez donc bien à réserver pour les événements en allant sur le site internet du Clos Lucé, tout simplement. Et puis restez à l'écoute de Radioactive pour découvrir d'autres pépites culturelles du territoire. À très bientôt dans le MAG. Merci beaucoup Diane. Mais je vous en prie, Marlène, et c'était un plaisir de vous recevoir.